Unité 2. Découvrir. Activité 3, 4 et 5. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Chacun chez soi. Le thème d'aujourd'hui, les Français et l'habitat. Les Français et les Françaises rêvent d'acheter une maison. Les deux tiers sont propriétaires d'un logement et les autres sont locataires. Ils habitent le plus souvent dans un appartement en centre-ville, dans un pavillon avec un petit jardin, ou encore dans une maison ancienne. Il y a aussi les Français chanceux, propriétaires d'une villa avec piscine au bord de la mer ou d'un chalet en bois à la montagne. Les Français romantiques qui habitent sur l'eau, dans une péniche, généralement, ou dans une cabane dans les arbres. Et puis, ceux qui rêvent de vivre dans des châteaux. Et vous ?